Rideau. Allô? Madame Malicure? Elle-même. Votre plaque de voiture, c'est bien la CD456FA? Exact. Je suis votre assureur Massif. Je vous appelle suite à une plainte. Comment ça? Le vendredi 8 décembre à 19h30, à la sortie de la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, vous avez heurté un véhicule et cassé son feu avant gauche. Pas possible. Si, madame, le conducteur du véhicule a relevé votre numéro. Réfléchissez, que faisiez-vous vendredi dernier à cette heure-là? Je crois que vous avez raison. J'étais bien à la gare de Saint-Rémy ce soir-là. Mais je n'ai aucun souvenir de choc. Sinon, je me serais arrêtée, soyez-en certain. Madame, ce que vous avez fait est extrêmement grave. Vous pourriez être privée de permis et condamnée pour délit de fuite. Est-ce que vous vous en rendez compte? Vous avez beaucoup de chance. Le conducteur lésé a décidé de ne pas porter plainte sous réserve que vous remboursiez les dégâts. Bien entendu que je vais rembourser les dégâts, mais je vais aussi m'excuser. Vous voulez bien me donner son numéro de téléphone? Et Faustine confuse de présenter ses plus sincères regrets aux personnes lésées, les remercier pour leur indulgence, soulagée de s'en tirer avec un simple malus en plus des frais. Il y a vraiment un bon Dieu pour les alcooliques. Nul ne sait ce qu'il serait advenu d'elle si elle avait dû souffler dans le ballon, même 4 jours après. Du coup, elle fait envoyer des fleurs à madame, une bonne bouteille à monsieur et le dernier disque à la mode au fiston. Fin de l'histoire. Au bureau, la semaine suivante, elle se tient coite. Comme promis, l'amie de Jacques, Claudine, vient la retrouver. Les deux femmes se parlent longuement. Faustine se raconte avec sa sincérité coutumière. La médium lui tire le grand jeu au tarot. Elle lui promet le bonheur. Pas immédiat, cependant. Il lui faudra encore patienter 2 ans. Alors, elle rencontrera un homme et lui donnera une fille. Par la suite, elle sera très heureuse. Forte de ces bonnes nouvelles, Faustine redresse la tête. Elle imagine mal sa destinée changer à ce point alors que la situation actuelle lui semble inextricable. Mais elle choisit de faire confiance à la vie pour une fois. Le 22 décembre 1989, Sylvie met au monde son second fils, Hugo. Faustine fonce au supermarché, remplit un caddie entier de vêtements et de produits pour bébé, et rapplique un bois d'arcy chez la jeune maman, bien embarrassée de cette débauche de cadeaux. Pendant qu'elle se repose, Faustine prend en charge le ménage. Avisant une bouteille de cognac, elle se sert une rasade, puis deux, puis trois. Sylvie, déçue de l'avoir replongée, épuisée par ses récentes couches, demeure dans sa chambre. Finalement, par l'intermédiaire de Jean-Fabrice, elle lui demande de s'en aller. Faustine rentre chez elle, désespérée. Elle a perdu sa meilleure amie. Est-ce de savoir qu'elle arrive au bout de son chemin de croix? Sa relation avec Maxime se modifie. Désormais, elle ne supporte plus ses jugements, son mépris, son pessimisme, son manque de générosité humaine, comme elle dit. Claudine, la médium, a confié à Jacques, qui le lui a répété, que jamais elle n'avait rencontré âme aussi solitaire que celle de Faustine. Bien que ponctuée de nombreux moments de bonheur, sa vie n'a jamais été sereine en fin de compte. Malgré les apparences, Faustine, comme tant d'autres, s'est sacrifiée sur l'autel d'un idéal éthique. On ne largue pas un homme qui a tout quitté pour vous, ça ne se fait pas, point barre. Elle ne l'a jamais remis en question, lui, bien qu'il l'ait manipulé tant et plus et qu'il ait tout fait pour l'empêcher de le quitter, y compris un chantage au suicide. Il avait beau jeu avec leur différence d'âge, il s'est toujours arrangé pour qu'elle se sente coupable. De son côté, elle s'était persuadée que l'amour motivait ses décisions. À présent, c'est le grand plongeon. Maxime a décidé de contrôler la consommation de sa femme, d'intervenir en force. Il a découvert ses bouteilles planquées, les a vidées dans l'évier. Faustine en a racheté d'autres aussitôt qu'il a eu le dos tourné. Il n'a rien compris à rien, imaginant qu'elle peut s'arrêter à un seul verre. À Noël, il lui a servi un petit punch, Juste de quoi remplir un dé à coudre. Il n'a jamais compris qu'amorcer la pompe pour ensuite fermer les vannes brutalement était pire que de ne pas consommer du tout. Elle le méprise pour ça. De plus en plus souvent, ils se croisent sans se parler. Ils ne font plus jamais l'amour. Il lui demande de se ressaisir. La traite de loque pathétique. Elle lui balance. C'est ça, ton amour? Tous les soirs, elle ramasse les morceaux. Tous les matins, elle retourne au bureau. Elle veut rembourser l'emprunt pris auprès de Jacques pour l'achat de leur maison avant de s'en aller. Faustine traîne au bureau le plus tard possible, redoutant les tête-à-tête avec son mari. Lorsqu'enfin elle rentre, il la sermonne. « C'est à cette heure-là que tu rentres. Tu sais bien que tu n'as plus autant de travail. T'en as pas marre de me prendre pour un con. » Il fait la cuisine tous les soirs. Il fait des efforts. Elle pourrait être reconnaissante au moins. Un soir, quand Faustine entend les prémices de son discours, elle prend ses clics et ses claques et ressort. Sans son sac, ses clés de voiture ni son manteau, elle n'a pas l'air conne, tiens. Du coup, elle revient sur ses pas, dîne du bout des lèvres, puis passe la soirée à gribouiller ses doléances dans son cahier. Tu ne perds rien pour attendre, tiens. Elle a fermé sa porte à clé, comme ça elle peut sortir la nouvelle bouteille de sa cachette. On voit à son écriture déformée que le niveau baisse drastiquement. Il dort depuis longtemps quand elle le rejoint. La veille de son départ à la plage pour une semaine de jazz et de ski avec ses copains, rebelote et lui balance une vacherie à peine a-t-elle passé la porte. C'est la goutte de trop. Depuis l'autre soir, elle se méfie. Elle garde sa carte de crédit et ses clés de voiture à portée de main. Ce soir, en 2 secondes, elle se retrouve dehors. En route pour nulle part. Elle s'arrête à la station-service, achète une bouteille de champagne, quelques sandwichs, du chocolat, des magazines, et en avant, Berthe. Elle roule jusqu'au premier motel. Là, elle loue une chambre, se fait couler un bain moussant, puis verse le champagne dans son verre à dents, mange ses sandwichs et lit ses magazines. Elle s'endort givrée, mais en paix. Le lendemain matin, elle passe à la maison très tôt, qu'il sache qu'elle est encore vivante. Elle n'est pas sadique après tout. Il a pleuré, pas dormi de la nuit, il est blanc comme un linge, mais néanmoins soulagé de la voir. Il dit « Je sais que tu ne m'aimes plus, mais je ne sais plus quoi faire pour que tu me reviennes. » Faustine se tait. Il est parti. Le premier soir, en rentrant du boulot, Faustine s'arrête à l'épicerie des Ulysses. Elle achète 6 bouteilles de vin rouge, du bon, du château machin avec la médaille dorée. Chaque soir, elle en ouvre une dans son bureau. Elle écrit et elle boit. Tous les soirs, jusqu'au retour de Maxime. Le mois de janvier se termine. De crises en scène, de reproches en complaintes, Faustine se sent moche, sale, pathétique. Elle aimerait redevenir la fillette sans tache, pure et joyeuse d'autrefois. Mais voilà, ni sa psy, ni son acupunctrice n'y peuvent quoi que ce soit. Pour l'heure, il n'y a pas de solution à son mal-être. Elle continue d'accumuler les boîtes de médicaments. On ne sait jamais. Le mercredi 31 janvier 1990, au soir, ils se rendent à plaisir au rendez-vous fixé par le médecin alcoologue. Au bout d'une heure, le verdict tombe. « Monsieur, votre femme souffre d'alcoolisme. » C'est si grave que ça? Oui, mais aujourd'hui nous savons que c'est une maladie qui se soigne. Je vois. Vous pensez que c'est faisable? C'est à votre femme de voir si elle souhaite se soigner. Bien sûr, comment? Intervient Faustine. Je suggère une cure en institution pour commencer, un suivi chez les alcooliques anonymes ensuite, un jour à la fois. Faustine questionne. Vous savez où je pourrais aller? Oui. Nous avons un centre renommé à Orthez, dans le Béarn, la clinique psychiatrique du château de Préville. Ils sont spécialisés en addictologie depuis les années 50. Je peux vous trouver une place. Ils travaillent également en coordination avec les alcooliques anonymes. Sur le chemin du retour, Maxime ne cache pas son soulagement. Tu vas enfin être soigné. Tout redeviendra comme avant. Faustine ne répond pas. Elle se sent piégée. Leur amour est mort. Comment imaginer recommencer comme avant, sans les soupapes que représentaient l'alcool et les cigarettes? En l'état actuel des choses, cela semble impossible. La pauvre femme n'est pas en état de réfléchir. Cela fait des semaines qu'elle noie sa dépression. Elle est dévastée. Non qu'elle ne se soit attendue au diagnostic, mais parce que cela signifie la fin de sa liberté. La naïve s'imaginait que le médecin remettrait son couple en question, constaterait que Maxime était destructeur, néfaste, préconiserait une séparation définitive, pour la sauvegarde de son hygiène mentale, par exemple. Faustine aurait tant voulu qu'on prenne les décisions à sa place, être réellement aidée, enfin. La déception est douloureuse, amenant à une décision irrévocable. À Saint-Rémy, à peine sortie de la voiture, la jeune femme monte dans son bureau, débouche la bouteille de Fernet Branca qu'elle a réussi à dissimuler, ouvre une boîte de cachets de lithium, une autre de rohypnol, 200 pilules environ, ingère le tout par poignée, boit au goulot pour faire glisser, puis s'endort. Le lendemain, Maxime enseigne en banlieue. Faustine se met en maladie, puis elle avale les derniers cachets qui lui restent. 200 de plus, grosso modo, et retourne se coucher. Le soir, lorsque Maxime rentre, il la réveille, parvient à lui faire boire un peu de soupe. Rassuré, il la laisse se rendormir. Vendredi matin, Max rejoint ses élèves. Faustine ne s'est pas réveillée. Cependant, elle n'a montré aucun signe de malaise. Elle dort calmement. Il imagine qu'elle a pris ses somnifères habituels et il lui fiche la paix. À midi, il fait un saut pour vérifier. Faustine dort toujours. Il termine son cours, une inquiétude diffuse au ventre, renonce au pot de départ. Il a un pressentiment. Il rentre le plus vite possible et là, il découvre sa femme inconsciente. Les lèvres sont bleues, la détresse respiratoire évidente. Maxime panique, extirpe Faustine du lit, la prend sous les bras, la traîne en bas des escaliers sans se préoccuper de ses chevilles qui cognent aux plaintes et du sang qui gicle. Il parvient au prix d'un effort démentiel que c'est lourd, un corps inerte, à l'insérer à l'arrière du cabriolet, fonce jusqu'à la clinique de Chevreuse. Là, on lui dit qu'ils ne sont pas équipés pour la réanimation. Il doit retourner à Saint-Rémy, appeler le SAMU qui l'emmènera, toute sirène hurlante, au CHU de Versailles. 9 jours de coma plus tard. Tiens, une revenante. Bonjour. Silence. Bon retour parmi les vivants. Vous pouvez vous vanter de nous avoir fait peur. Vous allez rester avec nous cette fois ?